الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إن دين الإسلام دين الأمانة والنصح والوفاء لا خيانة فيه ولا مكر لذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا إيمان لمن لا أمانة له وضد الأمانة يا عباد الله وضد الأمانة يا عباد الله الخيانة أعاذنا الله وإياكم من هذا الخلق الذميم والخيانة يا عباد الله خلق ذميم منقوط جاءت الشريعة الإسلامية بذمها والتحذير عنها والتحذير من أهلها وبيان سوء عاقبة أهلها ويكفي بذم الخيانة يا عباد الله أن الله تبارك وتعالى أخبرنا في كتابه الكريم أنه لا يحب الخائنين فقال عز وجل إن الله لا يحب الخائنين وإذا كان لا يحبهم يا عباد الله فلازم ذلك أنه يبغضهم ويسخط فعالهم ويترتب على ذلك العقوبة عياذا بالله يقول النبي صلى الله عليه وسلم محذرا أمته من هذا الخلق الذميم يا عباد الله كما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان فمن علامات وصفات المنافقين إخلاف الوعد والكذب والخيانة أعاذنا الله وإياكم من ذلك فالخيانة يا عباد الله من علامة أهل النفاق الذي قال الله تبارك وتعالى عنهم في كتابه الكريم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار فهكذا يا عباد الله يجب علينا الحذر من الخيانة من هذا الخلق الذميم الخائن أظهر لك النصح والوفاء وأخفى الخيانة لذا كانت الخيانة من صفات المنافقين ومن خلقهم وكان النبي عليه الصلاة والسلام لعظمة الأمر يستعيذ بالله العظيم من هذا الخلق الذميم كما ثبت ذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود. وقال الألباني رحمه الله تعالى: حديث صحيح. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئس البطانة، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئس البطانة. كذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولا تظن يا عبد الله بأن الخيانة تختص بالمعاملات مع الناس، بل الخيانة ثلاثة أنواع: خيانة لله سبحانه ولرسوله عليه الصلاة والسلام وللناس. وقد جمع الله تبارك وتعالى بين هذه الثلاث في كتابه الكريم، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. أي وأنتم تعلمون قبح هذه الأخلاق وسوء عاقبتها. يقول عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: خيانة الله بترك فرائضه، خيانة الرسول عليه الصلاة والسلام بترك سنته وارتكاب وركوب نهيه، وخيانة الأمانة أي مع الناس بنقضها. فكل ذلك يا عباد الله من الخيانة. والخيانة أنواع ثلاثة أيها المسلمون: الخيانة شر كلها ومذمومة كلها ولو كانت على سبيل المقابلة، أي من خانك لا يجوز لك أنت أن تخونه، لقوله عليه الصلاة والسلام: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ولا تخن من خانك. رواه أبو داود. الخائن شهادته مردودة، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تجوز أي لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة. رواه أحمد. وقال أحمد الشافعي رحمه الله تعالى: حديث صحيح. فذم النبي عليه الصلاة والسلام الخائن، وأخبرنا بكثرة الخونة بعد القرون المفضلة. فقال عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني، أو خياركم قرني، ثم الذين يلونهم. إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون. فنعوذ بالله بأن نكون من أهل الخيانة، ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يطهرنا من النفاق ومن الخيانة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام الطيبين الطاهرين وعلى أمهات المؤمنين. وبعد، شفخير، ساشيكو فارمي لفير دي كاركتر et des caractéristiques, il y a la trahison, il y a la trahison, et cela a été blâmé dans le Coran par Allah subhanahu wa ta'ala. et également par son messager alayhi salatu wassalam dans de nombreuses paroles. La trahison, c'est une action détestable de par le Coran, de par la Sunna et la raison saine. Et il nous suffit pour connaître la gravité de cette action que le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit: n'a pas la foi celui qui n'a pas de amana, n'a pas la foi la imana, la men la amana tala, celui qui n'a pas de amana, qui ne préserve pas le dépôt, qui n'est pas un homme propre et garant de ce qu'on lui confie. Et le contraire de cette noble qualité est la traîtrise et la trahison. La trahison est une des pires, car le fait d'être n'aime la trahison est une des pires actions en islam. La religion musulmane a interdit cela de par le Coran et la Sunna. Nous a mis en garde contre cela. Nous a exposé la mauvaise fin de ceux qui ont ce mauvais caractère. Et il nous suffit pour connaître la gravité de cela que le prophète que Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran, selon la traduction des sens de ce verset: certes Allah n'aime pas les traîtres. Chers frères, si Allah azza wa jalla n'aime pas les traîtres, comme l'a dit un cheikh Abdulazak al-Bal Khalifahullah ta'ala, le savant de Médine, donc il découle de cela qu'il les déteste. Il ne les aime pas et qu'ils n'aiment pas leurs actions, et que découlera de cette action un châtiment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre la gravité de cette action en nous disant: le signe de les signes des hypocrites sont nombreux de trois. Les signes des hypocrites sont au nombre de trois. Lorsqu'ils parlent, il ment. Lorsqu'il parle, il ment. C'est une personne qui est connue pour le mensonge et donne et transmet des informations en contradiction avec l'état des faits. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: lorsqu'il promet une chose, il ne tient pas sa promesse. Lorsqu'il prend un engagement, il ne le tient pas. Et lorsqu'on lui confie un dépôt, il trahit. Lorsqu'il confie un dépôt, il trahit. Et ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. On voit donc ici clairement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous cite que parmi les caractéristiques des hypocrites, il y a la trahison. Car l'hypocrite est la personne qui a montré une bonne chose et qui en a caché une mauvaise. Et celui qui trahit le dépôt a montré qu'il était sincère envers toi, qu'il voulait ton bien. Et en réalité, il cache dans son cœur le mal qu'il veut pour toi. Al-Riyana est un mauvais comportement. La traîtrise est un mal entier, un mal pur. Il n'y a pas de bien dans cela. À un point tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam cherchait protection auprès d'Allah, afin qu'il le préserve de ce mauvais, de ce défaut. Et il disait: et je cherche protection auprès de toi contre la traîtrise. Et ne pensez pas, chers frères, que la traîtrise, ou que le fait de trahir le dépôt, est propre au commerce, ou bien aux transactions avec les gens. Mais ça a une portée bien plus vaste que cela, ça touche toute la religion. Il y a une trahison dans la religion qui est relative à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala nous a confié un dépôt et il a pris de nous cet engagement, c'est de l'adorer seul sans rien lui associer. C'est de reconnaître son illicité et de l'adorer seul sans rien lui associer. Et il nous a créé subhanahu wa ta'ala pour le connaître et pour l'adorer seul dans culte sincère. Il nous dit dans son livre: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهم لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمًا. parfaitement ton omnipotent et qu'il a embrassé de sa science toute chose, pour qu'on le connaisse à l'impotent. Et dans l'autre verset, « Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun » Je n'ai créé que les impies pour qu'ils m'adorent. Voici la sagesse pour laquelle Allah Azza wa Jalla nous a créés. Ainsi, le serviteur doit préserver ce dépôt et ne pas le remettre à un autre que Allah subhanahu wa ta'ala, l'adoration, la soumission et l'obéissance. Puis, il y a la amana et la presse qui peut être faite, qui est relative au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On a un dépôt, c'est le fait de reconnaître sa prophétie, de le suivre, de lui obéir, et de veiller à l'intérêt qu'Allah est cela, qu'en suivant le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit alayhi sallallahu alayhi wa sallam, من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود على صاحبه celui qui apporte une nouveauté dans notre religion qui n'en fait pas partie, son action sera rejetée. Son action sera rejetée. Donc le fait de ne pas suivre la sunna du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam et le fait d'appeler à l'autre plus sa voix, ça rentre dans la trahison de l'islam. Ainsi, le mouchrik est tombé dans la trahison. Un moubtadir est tombé dans la trahison. Et il y a une troisième forme de trahison, c'est dans les actions avec les gens et les transactions. Que ce soit dans le commerce ou autre, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des responsabilités, nous a confié un dépôt. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala a réuni entre ces trois formes de traîtrise dans le verset, dans lequel il nous dit, selon la traduction des sens, pour vous qui êtes avec nous, ne trahissez pas Allah, ni le messager, et ne trahissez pas vos dépôts alors que vous savez. C'est-à-dire alors que vous savez la gravité et le caractère néfaste de cette action et sa mauvaise finalité. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que l'ria à la traîtrise, c'est un mal absolu, ne renfermant aucun bien. Ainsi, il ne nous permet pas d'utiliser la traîtrise envers celui qui l'utilise à notre égard. Si la personne désobéit Allah Azza wa Jalla envers toi, il ne t'est pas permis de désobéir Allah Azza wa Jalla envers elle. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, restitue le dépôt à celui qui te l'a confié et ne trahis pas celui qui t'a trahi. Restitue le dépôt à celui qui te l'a confié et ne trahis pas celui qui t'a trahi. El-Khaïd, le traître, son témoignage est rejeté. On n'écoute pas de lui, on ne prend pas, on n'accepte pas de lui le témoignage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le témoignage du traître et de la traître n'est pas permis, c'est-à-dire n'est pas accepté. Et le prophète alayhi wa sallam nous a informé qu'après les meilleures générations, se propagera ce genre de personnes. Ils se propageront au sein de la communauté. Il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, que les meilleurs des gens sont ceux de sa génération, c'est-à-dire les sahaba, radiallahu anhu. Puis ceux qui viendront après, c'est-à-dire les tabi'un. Puis ceux qui viendront après, c'est-à-dire les tabi'un tabi'in. Le compagnon dit, je ne sais pas s'il a cité deux générations ou trois après. Puis il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, puis apparaîtra des gens à qui on confiera un dépôt et qui le trahiront. Et des gens qui viendront faire des témoignages alors qu'on ne leur demandera pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a exposé cela dans sa sunna. Tout comme Allah tabaraka wa ta'ala l'a exposé dans le Coran. Et parmi les sortes de trahisons, il y a la trahison envers la salat. La salat est une amana sur nos têtes. Le fait de la faire à l'heure, en ayant parfait ses conditions, ses piliers et ses obligations, c'est une amana. Celui qui ne prie pas à l'heure aura trahi le dépôt. Celui qui ne prie pas comme le prophète alayhi salat wa sallam nous l'a appris, sallu kama ra'aytumuni usalli, aura trahi le dépôt. Il y a l'amana dans la zakat, celui qui ne s'acquitte pas de sa zakat aura trahi le dépôt. Il y a l'amana dans l'ensemble des adorations. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, « Inna aradna l'amana ta'ala samawati wal ardi » منها واشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. الله سبحانه وتعالى في سورة الاحزاب nous enseigne qu'il a proposé le dépôt, la responsabilité aux cieux et à la terre, aux montagnes, mais ils ont refusé devant la lourdeur de cela. Mais l'homme, Ibn Adam l'a accepté, il est certes grandement ignorant et injuste. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a divisé les gens devant Al-Amana en trois. لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. Il y a ceux qui ont délaissé, ont trahi les dépôts, intérieurement et extérieurement. Puis il y a ceux qui ont trahi les dépôts, intérieurement mais pas extérieurement. Ce sont les hypocrites. Puis il y a ceux qui ont préservé le dépôt, intérieurement et extérieurement. Ce sont les gens du tawhid. Ce sont les gens de la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a l'amana envers tes parents. C'est un dépôt de responsabilité que d'être bon à leur égard, envers eux, de les aimer, de les respecter, de leur obéir, de dépenser pour eux et d'être une noble compagnie pour eux. Il y a l'amana envers femmes et enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui à qui Allah azza wa jalla confie une responsabilité, lui décède, au moment où il décède, il trahit cette amana, il ne sentira pas l'odeur du paradis. Ta famille, c'est une amana. La femme a une amana. Dans son foyer, elle est responsable de sa famille, de ses enfants, de l'éducation de ses enfants, c'est une amana. Et celle qui délaisse cela ou a trahi l'amana, l'imam a une amana. Et s'il n'oriente pas la communauté, il aura trahi l'amana. Les savants ont une amana. Et ceux qui ont pris la science des savants ont une amana. Et les prédicateurs ont une amana. D'exposer la vérité aux gens, de les appeler au tawhid et d'exposer chaque en détail et d'avertir la communauté contre ce mal. D'enseigner aux gens le bien et de les inviter à cela, d'enseigner aux gens le mal et de les mettre en garde contre cela, en ne craignant pour cela le reproche de personne. Nous avons tous une responsabilité, et nous serons tous questionnés sur cette responsabilité. Et parmi ceux qui sèment le trouble et n'ont pas respecté l'amana, ceux qui ont fait rentrer chez eux des moyens de communication, qui pervertissent leurs enfants, ceux qui ont fait rentrer chez eux des moyens de communication qui pervertissent leurs enfants, ou ceux qui laissent leurs enfants aller avec les gens de l'innovation, ceux qui n'ont pour discours que le fait de parler sur les gouverneurs, de citer les défauts des gouverneurs, afin de remplir de haine les cœurs des musulmans contre leurs gouverneurs. Et cela forme des gens qui tomberont dans le terrorisme qu'Allah nous en préserve. Ces gens-là ont trahi le dépôt et ont trahi l'amana. Le père qui n'enseigne pas à ses enfants As-Salah, qui n'enseigne pas à sa famille Taqwallah et Tabaraka wa Ta'ala, aura trahi l'amana qu'Allah nous en préserve. L'enseignant qui n'aura pas enseigné à ses enfants convenablement, ou à aux enfants des musulmans convenablement, il n'aura pas rempli le dépôt, aura trahi l'amana. Dans le travail, il y a la trahison de l'amana. Celui qui a un travail, qui est employé, qui a un salaire pour cela, il doit respecter l'amana, que ce soit dans les heures de travail, que ce soit dans le travail à effectuer. Il ne lui est pas permis de trahir cette amana. Sinon, son argent ne lui sera pas licite. Il n'a pas le droit de prendre des choses du travail et de les ramener chez lui, par exemple. Sinon, il aura trahi l'amana. Celui qui a un employé, qui a un patron, il a un lourd dépôt et une amana. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre qu'il doit donner son salaire à l'employé. Et pour exagérer dans cela, on dit avant même que la sueur sèche de son front. Où sont les patrons qui font beaucoup de bénéfices et au moment de se s'acquitter de l'amana, ils disent à l'employé, quand il vient récupérer son salaire ou bien plus tard, n'atteint pas pleinement son salaire. Celui-ci a trahi Al-Amana. Ceux qui sont partout doivent craindre Allah par la cause d'Al-Amana. Ils ne doivent pas les opprimer. Ils ne doivent pas les charger au-dessus de leur capacité. Ils doivent leur verser pleinement leur salaire sinon ils auront trahi Al-Amana. Et la plus grande Amana qui repose sur nous, chers frères, c'est l'ikhlas billahi azza wa jal. واتباع النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء لله حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الله سبحانه يتردني في تدوري une divinité unique de s'acquitter de la prière de s'acquitter de l'amour voici la religion de la voiture. هذا وصلت وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار جيد الوسير كما سنير الأوبيراسيون فمي بو دماند أبوك الله عز وجل وصفافه أنا أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن عليها وعلى المؤمنين والمسلمين بالشفاء التام. يجد نمير حفظه الله تعالى كي ملاك ودمر الله تبارك وتعالى لم يكفدي لا جريسو. Aussi, vous n'êtes pas sans savoir le projet de la construction de notre mosquée. Il y a une date butoir. Donc on invite l'ensemble des musulmans et l'ensemble des musulmanes à dépenser de ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala va faciliter en espérant dans cela la pleine récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui construit une mosquée sincèrement pour Allah, Allah lui construira une demeure au paradis. Et on demande à toute personne qui dépense de ce qu'Allah azza wa jalla lui a facilité un pardon pour ses péchés et une demeure au paradis. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك